4 ans, jour pour jour, s'ouvrait au public la reconstitution de la grotte Chauvet. Depuis cette date, plus d'1 500 000 personnes se sont pressées pour admirer les reproductions des panneaux ornés représentant des chevaux, des lions, des rhinocéros, tout un bestiaire paléolithique qui continue de fasciner et d'intriguer 35 000 ans après que des nomades de la préhistoire les ont peints. Aujourd'hui, les scientifiques continuent d'interroger et de travailler à la conservation des œuvres préhistoriques présentes dans les quelques 350 grottes ornées connues dans le monde. Que représentent ces œuvres? Quand et où ont-elles été créées? Et comment ces chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires ont-ils pu être réalisés? À ces trois questions, la science nous apporte de précieux éléments de réponse. Quant au mystère du sens qui a présidé à leur création, il reste plein, entier et d'une certaine façon merveilleux. Pariétal, la préhistoire de l'art, c'est le mur peint devant lequel nous nous installons pour une heure. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces chefs-d'œuvre préhistoriques, j'ai le plaisir de recevoir ici en studio à Paris Gwen Rigal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide conférencier à Lascaux et auteur du très bel ouvrage Le temps sacré des cavernes de Chauvet à Lascaux, les hypothèses de la science, paru en 2016 aux éditions José Corti. Et en duplex depuis Toulouse, nous recevons Valérie Ferruglio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorienne et vous êtes rattachée au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous écouter comme tous les jours sur votre poste de radio, sur franceculture.fr, mais également sur votre application de podcast. Et pour consulter les informations qui nous ont aidés à préparer cette émission, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter, @laméthodefc. Alors je le disais à l'instant de l'ouverture de la reconstitution de la grotte Chauvet, fête aujourd'hui ses 4 ans. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette grotte que vous connaissez bien, Valérie Ferruglio. Elle a été découverte, ou plutôt, comme on dit pour les grottes ornées, inventé il y a 25 ans par Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller. Et cette découverte, ça a été un chamboulement. Alors pourquoi ? Oui, un chamboulement dans ce que l'on connaissait par ailleurs depuis quelques années sur la pariétale. Parce que, alors, pas au tout début, bon, évidemment, on s'est rendu compte tout de suite que c'était une découverte majeure par l'amplitude de cette cavité, ce qu'elle contenait, les dessins qui étaient encore d'un esthétisme qui nous émouvait encore. Et puis surtout, le fait que c'était aussi une découverte récente, donc avec toutes les traces préservées et pas les fréquentations des découvertes du siècle passé qui ont pu effacer les traces du passage des hommes préhistoriques. Et là, voilà, on avait une grotte, alors quasi vierge, ça se dit pas, mais voilà, qui était offerte à nous avec tout ce potentiel d'études. Et surtout, c'est le moment où on a obtenu des datations directes sur les dessins qui ont, par le carbone 14, puisqu'elles étaient réalisées au charbon, qui a vraiment bouleversé ce que l'on connaissait, les bases de notre connaissance à ce moment-là, en donnant un âge très très ancien qui correspondait au début de l'arrivée de l'homme moderne en Europe, enfin quelques millénaires près, mais bon, pour nous on raisonne assez facilement en millénaires, évidemment pas en années calendaires. Et donc voilà, ça repoussait à une date très ancienne, et surtout la qualité des œuvres, disons les conventions graphiques qui étaient utilisées, qui étaient très abouties, nous reportaient un constat qui était que l'art d'emblée était abouti et n'avait pas des balbutiements comme on avait pu imaginer jusque-là, avec des prémices, un art plutôt géométrique au début et puis progressivement un classicisme qui s'installe. Gwen Rigal, je vous fais parler un petit peu de la concurrence. Vous êtes guide à la reconstitution de Lascaux, mais qu'incarne pour vous et à vos yeux la grotte Chauvet ? Oui, une très grande antiquité. C'est vrai que quand on lit un bouquin d'histoire de l'art, à peu près n'importe lequel, il est fréquent au premier chapitre de tomber sur Lascaux. En fait, Lascaux, c'est pas les débuts de l'histoire de l'art, c'est le milieu. Lascaux, c'est vers 15 000 ans à peu près. Lascaux, c'est 20 000, 21 000 par là. On n'est pas très très précis, mais Chauvet, c'est 36-37, c'est pratiquement deux fois plus ancien. Avec un art qui est tellement beau qu'on parle du Michel-Ange de son époque pour le qualifier. Donc ça a étonné tout le monde. On était resté sur les critères stylistiques de Laura Gourand, hein, du plus simple au plus complexe, du plus abstrait au plus figuratif. Et avec Chauvet, tout ça vole en éclats. Valérie Ferruglio, vous avez eu l'immense chance de descendre dans la grotte Chauvet et d'y travailler. Alors, en quoi ont consisté vos recherches dans cette grotte ? Oui, c'est un grand privilège, effectivement. J'y ai travaillé avec ma collègue Dominique Baffier en binôme pendant un certain nombre d'années, effectivement. D'abord sous la direction de Jean-Claude et ensuite de Jean-Michel Jeunesse. Les travaux consistaient à étudier... Jean-Claude avait sectorisé la grotte, donc chacun avait son petit secteur à étudier. Et donc ça consistait à faire déjà un inventaire du secteur, qu'est-ce qu'il contenait en termes de panneaux ornés. Et puis ensuite d'essayer d'étudier panneau par panneau les informations qu'on pouvait en retirer. Donc en termes essentiellement de superposition, savoir quels événements avaient pu enregistrer les parois de la grotte. Et comme c'est une équipe pluridisciplinaire, on était aussi en confrontation avec les autres disciplines et en interrogation, disons, sur des questions qui pouvaient être soulevées et que nous, on se posait et dont la réponse, on supposait que ça pouvait être nos collègues karstologues, géologues, archéozoologues qui pouvaient nous la donner. Donc un dialogue permanent parce qu'on avait cette opportunité de travailler en équipe, je ne veux pas trop passer parce que j'ai quitté cette équipe, mais oui. L'équipe fonctionne encore. Donc on a cette opportunité de travailler en pluridisciplinaire et de confronter les résultats de chaque discipline, ce qui est important pour une étude globalisante de ces cavernes ornées. Si on élargit à d'autres grottes, Gwen Rigal, en l'état actuel de nos connaissances, sur quelle période de temps elles ont été visitées et ornées au Paléolithique ? La datation, c'est un gros problème, qui est un problème toujours en cours, hein. Il y a à peu près 5% des grottes ornées qui ont été datées. Donc on n'est pas à l'abri de surprises. Et d'ailleurs, on a eu des surprises encore il y a pas longtemps, il y a un an ou deux, lorsque de nouvelles datations sont apparues en Espagne, qui remonteraient à plus de 40 000 ans, avec une méthode de datation, l'uranium-thorium, qui est contestée par certains, donc il faut rester très très prudent. Disons que l'art pariétal, c'est au minimum 25 millénaires, entre 25 et 35 millénaires. On va faire une moyenne, 30 000 ans. Et dans quelle zone géographique, à l'heure actuelle, on a pu constater la présence de ces œuvres préhistoriques ? L'art des cavernes, c'est un art profondément européen. Et plus précisément que ça, c'est un art essentiellement franco-espagnol. On parle de l'arc franco-cantabrique pour parler de cette zone géographique qui va en gros du Poitou-Charentes jusqu'aux Asturies, donc toute la côte atlantique. 90% des grottes ornées sont dans cette zone-là, mais on a aussi quelques grottes en Angleterre, en Roumanie, en Bosnie, en Russie. On vient d'en trouver une nouvelle en Croatie il y a quelques semaines. On en trouve aussi en Patagonie, en Colombie, en Indonésie. Oui, alors ça n'est pas tout à fait la même chose dans le sens où la spécificité de l'art des cavernes européens, c'est que c'est un art de l'obscurité, loin de la lumière du jour. L'art qu'on trouve ailleurs dans le monde est pratiquement toujours un art d'entrée de grotte, de porche d'entrée. Valérie Ferruglio, on évoquait les questions de datation. Alors de quelle méthode on dispose aujourd'hui pour dater les œuvres d'art pariétal et qu'est-ce qu'elles nous apportent ? Alors les méthodes essentiellement donc celle qui est la plus ancienne c'est celle du carbone 14 à la condition que ces œuvres soient réalisées avec des matières organiques et essentiellement le charbon de bois et elle a pu se développer cette méthode dès l'instant où on a pu miniaturiser les échantillons parce que bien évidemment la règle d'or dans ces cavernes ornées c'est un objet patrimonial majeur et qu'il est hors de question de racler pour avoir des grammes conséquents pour faire des analyses. Donc l'étude se fait toujours dans un cadre de conservation très strict où on privilégie la conservation bien entendu. Donc d'autres méthodes aussi, justement grâce à cette miniaturisation et cette évolution de ces techniques, comme Gwen Rigal l'a mentionné, les dernières tentatives ont été celles de datation de films de calcite qui se seraient formés sur ces peintures, puisque le fonctionnement des grottes, bon, ce sont des organismes entre guillemets vivants qui continuent d'évoluer, voilà, et donc parfois les panneaux ornés ont pu être recouverts par des formations de calcite, donc par des écoulements d'eau qui font que. Alors la méthode, Gwen dit qu'elle est controversée. La méthode n'est pas controversée parce qu'elle a fait ses preuves sur, par exemple, des concrétions plus conséquentes. La méthode de l'uranium-thorium. De l'uranium-thorium, exactement, comme les stalagmites. Où là, on peut déterminer des sortes de couches de formation, des très fins de films qui se forment progressivement, qui peuvent inclure des éléments organiques par percolation de ce qui se passe en surface. Donc on peut croiser les deux méthodes, le carbone 14, des éléments emprisonnés entre ces petites lames de calcite qui se forment, et la méthode de l'uranium-thorium sur la calcite elle-même. Ça, c'est une méthode qui fonctionne très bien, qui est utilisée par ailleurs dans d'autres cavités, notamment par exemple à Bruniquel pour pour des événements très très anciens. Voilà, le carbone 14, lui, s'arrête aux alentours de 40-50 000. L'uranium thorium remonte plus loin. Et la controverse porte sur le fait que ce sont des films de calcite qui se forment par percolation d'eau et que ce sont des systèmes, disons, ouverts, c'est-à-dire que l'eau continue à couler et qu'on n'a pas de date de terminus réelle de cette formation. Et qu'on risque, vu la petitesse des échantillons, de mélanger plusieurs époques et d'avoir une moyenne qui n'est pas figurant vraiment la réalité des choses. La controverse porte là-dessus. La méthode, elle est avérée, elle n'est pas contestée par personne. Gwenrigal, cette controverse, elle concerne une grotte en particulier en Espagne, la grotte de la Pasiega. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grotte? Qu'est-ce qu'on y a trouvé et sur quoi porte la controverse? Alors, je suis pas du tout un expert sur les grottes ornées espagnoles. Il n'y a pas que la Pasiega, il y a aussi des datations très anciennes qui ont été faites à Altamira, qui ont été faites à El Castillo, à Nerja aussi, je crois. Donc, plusieurs grottes en Espagne à plus de 40 000 ans. Et oui, il y a ce problème, comme la calcite est un milieu, enfin, la méthode l'uranium thorium porte sur un milieu ouvert, de savoir s'il n'y avait pas déjà dans la calcite du thorium présent à l'origine qui pourrait fausser les résultats, ou alors à cause d'écoulements d'eau, des fuites d'uranium qui pourraient également fausser le résultat. Elles sont quand même très étonnantes, ces datations, parce que pour les plus anciennes d'entre elles, si elles sont avérées, il faudrait en arriver à la conclusion que Cro-Magnon n'a pas été le premier artiste et que c'est Néandertal qui lui a donné cette idée en Europe. Gwenrigal, je reste sur cette idée de conservation des peintures. Comment ces peintures, elles ont pu traverser les millénaires sans être endommagées? Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont pu nous apparaître et nous et rester? Notre grande chance, c'est justement qu'elles ont été faites au fond des grottes. Et donc elles ont été plus ou moins protégées du milieu extérieur, surtout comme lorsqu'à Lascaux par exemple, il y a au-dessus du plafond de la grotte une couche d'argile qui est imperméable, qui a empêché toute infiltration, qui a empêché tous les sillages des parois, quand le porche d'entrée s'est effondré. Là, donc, du coup, ces peintures se retrouvent dans une sorte de capsule spatio-temporelle et elles nous arrivent en très bon état. Alors que tout ce qui était fait en extérieur, parce que les Cro-Magnons ont aussi beaucoup peint, gravé, sculpté, modelé en extérieur, mais la majeure partie de tout ce qui était fait en extérieur a disparu depuis longtemps. Valérie Ferruglio, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'une grotte, c'est comme un organisme vivant et qui est aussi fragile qu'un organisme vivant dont l'équilibre est très fragile. Alors, pourquoi ce sont des organismes très fragiles et qu'est-ce qui fait qu'on peut perturber cet organisme? Oui, c'est vrai que c'est notre chance, c'est de cette capsule, quoi, comme le dit Gwenrigal, spatio-temporelle, puisque ça enfermait effectivement tous les témoignages. Mais à contrario des sites archéologiques d'extérieur où on peut avoir une stratigraphie qui se forme petit à petit, qu'on pourrait comparer à une sorte de grand livre dont on peut tourner les pages une par une, la grotte, par son fonctionnement, fait que c'est comme si ce grand livre contient effectivement des pages, mais que ces pages, par un phénomène magique, se seraient complètement écrasées en une seule page. Et c'est à nous d'essayer de décrypter dans la superposition de la typographie qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et sont des organismes entre guillemets vivants parce que c'est une évolution très très lente des temps géologiques, mais la grotte s'est formée, elle a été creusée dans les calcaires ou dans le plus souvent dans les calcaires, surtout dans la région franco-cantabrique, par l'eau, donc il y a des millions d'années, et ensuite ça continue, l'eau percole depuis la surface, même si on a une couche de marne argileuse qui peut protéger comme à Lascaux, mais il y a des circulations d'eau, il y a encore des incursions de petits mammifères, des chauves-souris qui nichent, donc tout ça évolue et ça peut porter préjudice évidemment à ce qui est contenu dans la grotte, que ce soit des empreintes, que ce soit des dessins sur les parois, ou des marques fortuites de passage des hommes, de circulation ou de passage des animaux. Et donc, on a en tête que ce sont des objets qui ont une finitude, même si c'est en des temps très éloignés, puisqu'on est en termes de temporalité géologique, un temps très long. Un jour, elles disparaîtront. Et la chance qu'on a, qu'on puisse remonter à 36 000 ans en arrière et en voir la fraîcheur. À Chauvet, ce qui est vraiment percutant, c'est la fraîcheur des tracés. On peut avoir des tracés faits au doigt dans une sorte de paroi un petit peu plastique, comme de l'argile, où on a le bourrelet de matière qui est repoussé à la fin du geste, et la petite boulette qui est en suspens depuis 36 000 ans, ça frappe l'esprit, c'est étonnant. Et donc l'atmosphère, cette atmosphère qui est vraiment bien préservée, permet d'enregistrer et de conserver des traces extrêmement ténues de ce qui a pu se passer du passage des hommes préhistoriques ou d'autres ou des animaux. Non, c'est ça. Quand je parlais de capsule spatio-temporelle tout à l'heure, c'est vrai que c'est ça qui est frappant, le fait qu'on a l'impression que l'artiste a fini son geste, et en un clignement de cils, c'est nous qui nous retrouvons devant et rien n'a bougé. J'étais allé un jour au fond du réseau Clastres en Ariège. C'est un réseau dans lequel on ne peut pénétrer qu'à partir du fond de la grotte de Niau, après avoir passé plusieurs lacs souterrains. C'est un peu compliqué. Donc tout ça est très très bien préservé, évidemment, parce que les lacs ne sont vidés qu'une fois tous les 25 ans. Et on arrive au fond du réseau Clastres devant un mustélidé, la belette de Clastres, avec une hygrométrie qui est à 99%, donc la peinture est encore humide. On a vraiment l'impression qu'elle a été faite la veille, que si on passe son doigt, on aura encore du pigment sur la pulpe. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est arrivé à Monsieur Breton. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À 16h16, nous parlons aujourd'hui dans la méthode scientifique sur France Culture d'art pariétal et de ce que la science peut nous dire de ces énigmes avec Gwen Rigal et Valérie Ferruglio. On va poursuivre, si vous le voulez bien, dans notre étude de ces grottes ornées. Gwen Rigal, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des techniques utilisées, des matériaux utilisés par les peintres du Paléolithique ? Les peintres du Paléolithique utilisaient toutes les techniques. Je vous ai dit la peinture, la gravure, le modelage, la sculpture. Il n'y a guère que la photographie et le cinéma qu'il ne maîtrisait pas encore. On a des parois sculptées en extérieur, comme au Roc aux Sorcières, Angle-sur-l'Anglin dans la Vienne, par exemple, une paroi sculptée de 20 mètres de longueur qui est absolument magnifique et qui a 15 000 ans. Toutes les techniques ont été utilisées et étaient maîtrisées dès le début. C'est ce que nous a montré Chauvet. Valérie Ferruglio, on parle de technique, on n'a pas encore évoqué les thèmes de ces peintures. Alors si on se penche sur ces sujets-là, et on parle de peinture, on parle de gravure également, qu'est-ce qu'elles représentent en majorité ? Alors ce qui frappe en premier lieu, c'est un art essentiellement animalier, représentant des animaux. Mais si on fait des statistiques, on a également énormément de ce que nous dénommons en tant que spécialistes des signes, faute de mieux, c'est-à-dire tous des éléments à caractère plutôt géométrique, qui ne sont pas figuratifs, qui ne figurent rien de reconnaissable, et qui sont en association avec les animaux, ou parfois même des panneaux uniquement ornés de ces signes. Dont on attribue forcément, on les appelle signes parce qu'on leur donne, on imagine que ce sont des signifiants, qu'ils ont un sens perdu évidemment, et voilà, et ça constitue une importante part de cet art. L'absent évidemment, c'est la figure humaine, disons de manière aussi naturaliste que les animaux. Mais on a quelques figures humaines ou qui peuvent être résumées par une portion de corps humain qui peut être une main positive, négative, ou bien une représentation d'un élément sexuel, majoritairement des sexes féminins, qui résume à eux seuls la figure humaine. Après, on a quelques bonhommes, on va les qualifier, disons des représentations très schématiques de corps humain, et parfois un petit peu plus figuratifs, ce qu'on dénomme les Vénus, qui sont donc des figurations féminines, plus ou moins schématiques, mais dans lesquelles on reconnaît bien un profil féminin. Gwen Rigal, sur cette question des sujets représentés dans l'art paléolithique. Oui, la figuration humaine est effectivement très rare. Ça, c'est un très marquant de l'art des cavernes. Et lorsqu'elle est présente, soit ce sont des parties de corps humain, soit ce sont des gens, ce sont des représentations qui sont effectivement soit schématiques, soit carrément caricaturales, parfois même bestialisées. Et puis l'autre grand absent, c'est le monde naturel. Il n'y a pas d'élément de contexte, il n'y a pas de ligne de sol, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de rivière. Uniquement des animaux, des signes et quelques rares figurations humaines, point. Mais ce bestiaire, il nous en apprend par exemple sur la biodiversité de l'époque, en tout cas la biodiversité animale. On a découvert notamment des choses à Chauvet autour des lions, des cavernes. Oui, ouais, alors faut prendre ça avec des pincettes parce que ce qui est représenté dans les grottes ornées, ce n'est pas tout le monde qui les entourait. Ils ont fait un choix, la sélection est drastique. À Chauvet, il doit y avoir 11 ou 12 espèces, à Lascaux, il y en a 9, essentiellement de la mégafaune. En ce qui concerne Chauvet, ce sont surtout des grands herbivores. À Chauvet, il y a plus d'animaux dangereux. Mais voilà, il n'y a pratiquement pas de poissons, pratiquement pas d'oiseaux, pratiquement pas, il n'y a pas d'insectes, il y a beaucoup d'animaux qui manquent. Cela dit, c'est vrai que parfois on fait des découvertes. Vous le mentionnez à l'instant, le fait qu'on a eu la preuve à Chauvet que le lion des cavernes n'avait pas de crinière. Jusqu'à présent, tous les lions des cavernes qui étaient figurés dans l'art des cavernes ne portaient pas de crinière, mais on peut pas savoir s'il ne s'agit pas uniquement de femelles. Et puis là, on a trouvé à Chauvet un lion des cavernes avec un joli scrotum qui n'a pas de crinière non plus. Et donc maintenant, on le sait, le lion des cavernes n'avait pas de crinière. Il y avait aussi cette histoire du clapet anal du mammouth. Pour se protéger du grand froid, le mammouth avait un clapet anal. Et ça, on l'a appris d'abord en étudiant les dessins. Donc là, on a affaire au premier naturaliste, Valérie Ferruglio. Lorsque vous avez travaillé à Chauvet, vous avez aussi pu établir, je crois, grâce aux peintures, quelque chose en lien avec une éruption volcanique. Non, c'est pas du tout. Non. Oui, vous êtes bien renseigné, mais je ne l'ai pas établi. En fait, c'était un collègue vulcanologue. D'accord. Qui a obtenu des dates sur des coulées de lave des volcans d'Ardèche, qui étaient des dates contemporaines de l'ornementation de Chauvet, de la première phase. Et du coup, il est venu nous trouver en disant, alors c'est un autre collègue, Dominique Gentil, qui travaille lui-même à la grotte Chauvet, justement sur les datations uranium-thorium des concrétions, quand il travaillait dans le même laboratoire, et quand il a vu ces dates, il dit, mais tu sais qu'à Chauvet, il y a des signes en forme de gerbes, est-ce que ça pourrait correspondre à ton type d'éruption? Puisque, voilà, il peut y avoir différents types d'éruptions, et justement, celles que lui a datées sont ces éruptions particulières qui lancent des bombes et qui tracent, là, par exemple, dans un ciel obscur, la nuit, des grands tracés en courbe rouge, et qui justement auraient pu être vus depuis l'entrée de la grotte Chauvet, enfin au moins au-dessus du plateau, puisqu'on est dans l'axe de ces volcans, et qui auraient pu frapper les esprits de ces artistes de l'époque. Alors du coup, il nous dit, est-ce que pour vous ça peut être ça? Alors comme l'a dit Gwen Rigal, il n'y a pas de représentation de l'environnement, pas de montagne, pas de... Et donc moi je lui ai dit, moi avec mes outils d'analyse, je ne peux pas te l'affirmer. Mais je ne peux pas non plus, je n'ai pas non plus d'argument pour te contredire. Voilà. Donc on a fait un petit bout de chemin tous les deux, chacun vers l'autre, l'un vers l'autre. Et voilà, c'est vrai qu'on a co-signé ensemble un article qui dit bien que c'est une hypothèse, pourquoi pas. Oui. Et comme à Chauvet, c'est quand même la grotte de l'exceptionnalité avec un grand E, tout y est exceptionnel, de la conservation de toutes les traces de comportement dans la grotte, des représentations du bestiaire, etc. Voilà, on peut dire, pourquoi pas de façon exceptionnelle, ils ont représenté un événement extrêmement marquant, puisqu'il faut y ajouter cette vision nocturne qui devait être quand même extraordinaire, le bruit, le danger potentiel, les craintes, etc. Pourquoi pas à Chauvet cette représentation exceptionnelle d'un environnement particulier et d'un événement très particulier, puisqu'on a scientifiquement des preuves qu'on a une contemporanéité et voilà, et que moi, de mon niveau d'analyse de l'art pariétal, je n'ai pas les outils pour contredire cette hypothèse proposée par les vulcanologues. Alors on parle de ce qu'il y a peint ou gravé sur les murs de ces grottes préhistoriques, mais parfois on retrouve des éléments au sol qui pourraient nous orienter éventuellement. Par exemple, je crois, Valérie Ferruglio, dans la grotte de Cussac où vous travaillez actuellement, on a retrouvé des sépultures humaines contemporaines, des gravures. Comment on peut ne éviter finalement l'interprétation dans ce cas-là? Alors, ce ne sont pas des sépultures, ce sont des dépôts de corps humains. Pour l'instant, sans preuve de rituel quelconque, c'est-à-dire justement pour ces raisons de conservation, on ne fouille pas à Cussac. On ne fait que des observations de ce qui est laissé sur le sol. Pour l'instant, ce sont des dépôts volontaires. Ils se trouvent majoritairement dans ce qu'on appelle des bouches d'ours, c'est-à-dire que avant le passage des hommes préhistoriques, on a une fréquentation intensive à Cussac de l'ours des cavernes qui venait hiverner dans la grotte et qui se creusait des petits nids dans l'argile. Et c'est justement dans ces creux qu'ont été déposés pour l'instant 6 individus, des adolescents et des adultes. Et la datation qu'on a pu obtenir sur un prélèvement osseux, toujours au carbone 14, nous donne une datation qui rentre dans ce que nous on connaît de cet art particulier qui est du milieu à peu près du paléolithique supérieur, aux alentours de 30 000 ans, qu'on dénomme le gravétien. L'art très particulier du gravétien fait qu'on ne peut pas trop se tromper dans l'interprétation. Parce qu'à Cussac, le problème, c'est qu'on a, ce sont des gravures essentiellement monumentales, mais gravures. Et qui dit gravure, pas de datation possible directe. C'est une autre des contraintes, oui. Voilà, ouais. Mais comme le style là est vraiment très particulier, on est à peu près sûr de la contemporanéité. Et puis il y a d'autres datations à Cussac. Les thèmes sont différents de l'Aurignacien. En quoi est-ce qu'ils divergent? On est essentiellement sur une majorité de bisons. Le thème principal est le bison, alors qu'à Chauvet, on a la triade félin, mammouth, rhinocéros. Donc on est dans aussi voilà, la thématique de ce milieu du paléolithique supérieur, qui va ensuite, le bison va perdurer jusqu'à la fin, jusqu'au Magdalénien, qui est une des dernières cultures du paléolithique supérieur, paléolithique récent, et qui va être aussi... qui va collaborer avec les chevaux et les rennes pour l'art mobilier. Donc oui, les thématiques c'est intéressant pour voir, parce que c'est un art, comme on l'a dit, là, qui dure quasiment 30 000 ans, entre 25 000 ans et 30 000 ans, ce qui est énorme. Entre Chauvet et Lascaux, il y a autant de temps qu'entre Lascaux et nous. Voilà. Et donc on a cette culture qui perdure, qui est vraie aussi dans la façon le fait de tailler du silex, le fait d'utiliser de la matière dure animale pour ses outils du quotidien, ça perdure. Le fait aussi d'être chasseur-collecteur, voilà, si on peut attribuer ça à une culture, voilà, celle-là perdure, et le fait d'aller dans des grottes peindre, ça perdure. Sauf que après, quand on analyse plus finement, on se rend compte qu'il y a des variations au sein de cette longue période de temps, et un attachement particulier à certaines espèces. Alors évidemment, on raisonne aussi sur des statistiques qui sont extrêmement minces, parce que l'Aurignacien est représenté par très peu de... Donc, qui est la première culture du subpaléolithique récent, une des premières cultures, donc les débuts de l'arrivée de l'homme tel que nous sommes aujourd'hui en Europe. Voilà, on a très peu d'exemples, on en a beaucoup plus vers la fin, évidemment, pour des termes des raisons de conservation, hein, uniquement. Voilà, donc on raisonne sur des petit nombre statistique, mais qui déjà nous donne des pistes. Donc pourquoi dans des temps anciens, c'est confirmé aussi par des statuettes qu'on rencontre en Allemagne, ou dans les temps anciens, la thématique est plutôt sur des animaux prédateurs ou de taille imposante comme le mammouth et le rhinocéros, qui ne devaient pas correspondre à la chasse quotidienne pour la survie, l'alimentation ou l'habillement, etc. Donc on a une dichotomie, et si on fouille, on ne va pas retrouver ces espèces-là dans la faune consommée. On a vraiment une dichotomie entre ce qu'on veut représenter, ce à quoi on s'attache à représenter, et les animaux du quotidien. Et on sait que la façon dont ils ont représenté, ce sont des animaux qu'ils ont observés, côtoyés, vus de près, et dont ils connaissent voilà, les insertions musculaires, le mode de vie, la façon de se déplacer, s'ils vivent en troupeau, pas en troupeau, etc. Mais quand même, dans cette sélection, nous, ça nous fait dire il y a une raison. On sélectionne pour un message. On sélectionne pas juste parce que c'est un animal qu'on trouve plus joli dans les temps anciens et puis moins intéressant dans les temps plus récents. On va arriver justement à cette notion de message, d'interprétation et d'hypothèse. Change has come, she À 16h31 sur France Culture, vous écoutiez Under My Thumb des Rolling Stones. On a les jeux de mots qu'on peut, puisque aujourd'hui on parle tout au long de cette heure des grottes ornées par les humains du Paléolithique avec Gwen Rigal, qui est guide conférencier à Lascaux, et Valérie Ferruglio, préhistorienne rattachée au laboratoire Passea de l'Université de Bordeaux. Alors on a parlé en première partie de cette émission des dates auxquelles ont été peintes les peintures préhistoriques, de ce qu'elles nous apprennent. J'aimerais maintenant qu'on aborde la question du sens de ces œuvres avec une archive de 1977. Il n'est absolument pas douteux qu'il y ait une finalité religieuse dans ces œuvres paléolithiques. La caverne elle-même, là il y a un fait curieux aussi. L'art débute vers 30 000, un petit peu plus même. Et il est essentiellement exécuté sur des blocs ou sur des voûtes d'abri en plein air. Mais il n'y a pas d'art très ancien qu'on puisse dater dans les cavernes. Ça semble ne commencer qu'à partir des environs de, disons, 15 000, 17 000 avant notre ère. Et ça débute apparemment dans des grottes dans lesquelles l'homme ne pénètre que jusqu'à une distance relativement courte. Alors que un peu plus tard, ou alors ignatien, ou magdalénien et au solutréen, la pénétration des grottes est de plus en plus profonde et la grotte elle-même semble avoir été considérée comme un organe. On voit dans pas mal de cavités que les fentes ovales ou les crevasses, les gouffres, sont valorisées fémininement, comme si la grotte était la mère des hommes et des animaux. Alors vous aurez reconnu Gwen Rigal. André Laura Gourand. Voilà, qui est une figure tutélaire qui a influencé pendant des années notre interprétation des grottes ornées. Les hypothèses qui cherchent à expliquer ces œuvres pariétales, elles ont été nombreuses. On a vu qu'il pouvait y avoir des éléments de réponse sur le quand, le quoi, le comment de ces œuvres d'art. Mais en ce qui concerne la question du pourquoi, le mystère est entier. Alors, Gwen Rigal, dans votre livre Le temps sacré des cavernes, paru en 2016, je rappelle, aux éditions Corti, vous avez tenté un travail assez titanesque, c'est-à-dire de collecter toutes ces hypothèses-là. On va pas pouvoir toutes les évoquer, mais est-ce qu'on pourrait, en tout cas depuis 1879, la date de la découverte de la grotte d'Altamira jusqu'à maintenant, établir une espèce de carte de ces hypothèses-là parmi les plus importantes ? Oui, alors l'une des premières hypothèses dès la toute fin du 19e siècle, donc après la découverte et la reconnaissance de l'authenticité d'Altamira en Espagne, ça a été l'art pour l'art, mais aussi on était à une époque où on était en plein anticléricalisme, et certains préhistoriens voyaient d'un mauvais œil un homo religiosus aussi ancien, donc ils préféraient imaginer soit l'art pour l'art, donc l'art de, ou alors un art beaucoup plus récent, parce qu'en fait dans la première hypothèse, avant qu'on sache que les grottes ornées avaient été ornées par Cro-Magnon, on avait déjà remarqué certains de ses dessins et on pensait donc à l'œuvre de Berger Désœuvré, voire à l'œuvre du Malin. Ensuite ça a été l'art pour l'art, et ensuite assez rapidement on a imaginer de nouvelles hypothèses comme la magie de la chasse, par exemple, le totémisme ou le chamanisme, qui a refait un retour en force il y a une quinzaine d'années sous la plume de Jean Clotte. On a beaucoup d'autres hypothèses, comme des cartes géographiques de territoire de nomadisation, comme l'enseignement des techniques de chasse par abattage, comme des codes de chasse préhistoriques, comme etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Oui, alors si on a choisi la voie d'André Leroy-Gourhan, c'est pas pour rien. Quelle place il occupe, lui, dans ce travail qui cherche un sens à ses œuvres d'art? Et pourquoi, finalement, d'une certaine façon, quand il est arrivé, il a un peu sifflé la fin de la récréation, il a dit on arrête les bêtises, on va arrêter les interprétations farfelues. Et voilà, pourquoi il fait figure un petit peu de pivot dans ce travail autour de l'art préhistorique? Grâce à un livre qu'il a écrit en 1964 qui s'appelle Les religions de la préhistoire, dans lequel il a méthodiquement déconstruit toutes les théories de ses prédécesseurs. Lui-même était ethnologue, donc avait une culture ethnographique très très vaste. Et connaissait mieux le sujet que tous les préhistoriens qui avaient écrit dessus auparavant. Et il a montré en gros que c'est pas en prenant un quart d'Inuit, un quart de Papou et une moitié d'Esquimaux qu'on refait un homme de Cro-Magnon, et qu'il fallait arrêter cet abus de comparatisme ethnographique. L'homme de Cro-Magnon a disparu à jamais, et on n'aura jamais aucune certitude. Voilà, c'est vraiment ça qu'a apporté Leroy Gourhan. Mais alors, du coup, après, il a tout le monde s'est arrêté pendant des décennies. Les préhistoriens n'ont plus osé que faire des dénombrements. Relevés très structuralistes des grottes, des relevés très méthodiques, mais finalement avec le sens des statistiques, etc. Mais le sens avait totalement disparu. On y revient depuis 10 ou 15 ans timidement. Mais ce sont souvent des préhistoriens qui ont fini leur carrière académique, qui sont à la retraite et qui n'ont donc plus rien à perdre, qui n'ont plus de position à défendre et qui du coup, voilà, sur la fin de leur carrière, se lâchent un peu. Vous concluez votre livre Le temps sacré des cavernes en évoquant une hypothèse soulevée par Jean-Loïc Lequelec. Une hypothèse qui est intéressante puisque, mais ça reste une hypothèse, on dira pas que c'est la vérité, mais non. Qui fait un lien entre l'art des cavernes et une notion assez simple à comprendre, la notion de genèse. Oui, alors, en commençant par rappeler que quand on a un art qui se développe sur 30 000 ans à l'échelle du continent entier, il est illusoire, à mon avis, de chercher une explication globalisante. Moi, je crois en un faisceau d'explications, et c'est pour ça que toutes les théories sont intéressantes. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et celle de Jean-Loïc Lequelec est effectivement très intéressante. Leroy Gourhan, déjà, avait noté que la caverne est participante. On a entendu dans son extrait audio que très souvent dans l'art des cavernes, on se rend compte qu'ils ont utilisé les fissures, les bosses, les creux. Les fissures et les puits, surtout, les ont fascinés, comme s'il se passait quelque chose de l'autre côté de la paroi. Mmh. Alors il y a différents types d'hypothèses qui sont compatibles avec ces observations-là, et une hypothèse en particulier, c'est un mythe de la Genèse, un récit des origines. Il y a notamment une famille de mythes qu'on appelle les mythes d'émergence, qu'on retrouve pratiquement partout sur Terre, ce qui est le signe d'une très grande antiquité, peut-être même d'une antiquité glaciaire, allez savoir. Et selon ces mythes qui racontent tous peu ou prou la même histoire, au début des temps, humains et animaux n'étaient pas encore clairement différenciés entre eux, et ils habitaient tous ensemble sous terre. Et un jour, pour une raison ou pour une autre, ils ont décidé de monter en surface, en suivant les fissures de la roche, et ils ont finalement émergé par les portes d'entrée des grottes. Et en même temps qu'à cette occasion a jailli la vie, est évidemment apparue la mort. Et comme tout ça se passait en un temps où la roche était encore molle, eh bien, les parois des grottes ont gardé jusqu'à aujourd'hui la trace de ce passage originel, d'où peut-être la fascination des préhistoriques pour les reliefs. Peut-être y cherchait-il des indices de ce passage originel. Cette hypothèse-là, je la trouve fascinante, mais ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas scientifique parce que pour qu'une hypothèse soit scientifique, il faut qu'elle soit testable, réfutable, prédictible. Et les hypothèses relatives à l'art des cavernes ne seront jamais testables parce que les hommes des cavernes ont disparu. Valérie Ferruglio, d'un point de vue épistémologique et philosophique, que nous disent ces multiples hypothèses sur l'évolution de notre conception même des sociétés préhistoriques? Oui, ce qui est intéressant, oui, c'est à chaque fois qu'il y a ces tournants là de interprétatifs, on constate justement le rapport qu'ont eu les archéologues, puisque l'art pariétal est rattaché à l'archéologie, en France du moins, ce qui n'est pas vrai par exemple aux États-Unis où c'est l'anthropologie sociale qui a pris le dessus. Voilà, le fait que ça ouvre des portes et En fait, l'art pariétal, c'est un petit peu la seule porte d'entrée qu'on a sur l'esprit, l'esprit humain, le spirituel, disons. Tout ce qui ne marque pas les objets, comme les études qu'on peut faire sur la façon de tailler le silex ou de travailler l'os ou le bois de cervidé. Ça nous dit ce qui se passe au quotidien, la culture matérielle, vraiment matérialiste, comment on s'adapte à l'environnement, comment les sociétés réagissent, se structurent pour survivre et pour faire front aux adversités de l'environnement. Toute la partie art, faute de mieux, on appelle ça de l'art, parce que voilà, on produit des images, on produit un certain esthétisme aussi. Et ça nous parle du spirituel, du côté imaginaire. Est-ce que ce sont des mythes qu'on veut raviver? Est-ce que c'est les cosmogonies, l'interprétation de cet environnement? D'un côté, on a la survie face à l'environnement, et de l'autre côté, on a l'interprétation, comment on le ressent, comment on ressent cet environnement. Et l'art, c'est cette porte d'entrée là qui nous a entrouverte. Et les grandes théories, ça montre le rapport qu'on a à cet art. Est-ce que on le considère comme au même titre que la culture matérielle, et voilà, on peut faire des statistiques dessus, des décomptes, comme on l'a dit, ou bien on cherche à voir la sensibilité qu'ont pu avoir ces gens par rapport à leur environnement. Voilà, si le message c'est de dessiner un cheval, bah, y a mille façons de dessiner ce cheval. Pourquoi ils ont pris ces options-là? Pourquoi ils ont pris ces couleurs-là? Pourquoi ils ont eu cette volonté aussi de faire ployer la matière, le calcaire, le charbon, voilà, exactement les mêmes démarches qu'ont les artistes aujourd'hui, contemporains. Et ça nous dit quelque chose de la société tout entière. C'est-à-dire un groupe humain qui va privilégier, protéger peut-être même un artiste qui a ses compétences, qui a cette volonté de produire de l'art. Et voilà, donc une structure de société qui le permet, une vie au quotidien qui le permet aussi. Et puis dans ces grandes conventions, ce qu'on appelle le style, on l'a déjà évoqué, et bien, qu'est-ce qui donne ce style particulier qui se répète de grotte en grotte à des distances considérables? Par exemple, l'art de Cussac, qui est vraiment très particulier, on le retrouve au cœur des Pyrénées, à Gargas, dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est quand même assez éloigné quand on marche à pied. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que ces conventions-là, partagées par des groupes, ont pu voir le jour, se sont maintenues? Est-ce qu'elles ont été imposées par la société? Est-ce qu'elles sont, c'est juste une création qui se colporte? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et ces interprétations, elles montrent ce rapport-là qu'on a avec cet art. Donc, c'est de l'art pour là, et on se dit, voilà, c'est une petite marotte. Ou bien on l'intègre à un raisonnement plus vaste. C'est ce que le roi Gourand a fait. Le roi Gourand, le fait qu'il a sifflé à la récré, comme vous dites, c'est le fait qu'il a rendu cet objet, il l'a fait passer par des filtres scientifiques. Mmh. Et ce qui était de la perception avant, quand Breuil, qui était un artiste lui-même, hein, l'abbé Breuil, oui, le pape Breuil, de la préhistoire, qui était le pape de la préhistoire à l'époque, lui, il rendait compte de sensations plutôt qu'autre chose. Et puis il avait la grande tâche de faire sortir ses œuvres de l'obscurité, de les montrer au monde. Parce qu'il n'y avait pas des techniques photographiques comme on a aujourd'hui, il n'y avait pas de 3D. Et donc, voilà, son grand travail, c'était ça. Et du coup, même à la limite, il le détachait de la paroi pour montrer la qualité de ses images. Et il tenait moins compte de la caverne. Mais quand même, quand il a étudié le portel en Ariège, il a mis en rapport quand même la topographie de la cavité avec la distribution des thèmes, la distribution des dessins, les bisons d'un côté, les chevaux de l'autre. Et le roi Gourand, ça lui a quand même fait tilt. Il s'est dit, tiens, c'est intéressant ça. Et de là, il est passé à vraiment une étude d'envergure avec des statistiques en décomptant, en visitant des grottes et en comptant les thèmes, les figurations, où elles s'inséraient dans la cavité. Et du coup, il a pris en compte la caverne dans sa globalité. Ce qu'aujourd'hui, on fait, mais de façon... En faisant intervenir beaucoup de disciplines et en essayant de mettre à plat toutes les chronologies relatives des événements qui ont eu lieu pour essayer d'appréhender la société dans sa globalité au travers de la production artistique, mais voilà, pour globaliser et contribuer à ce que l'on connaît par ailleurs de la vie au quotidien de ces hommes préhistoriques. Gwen Régal. Oui, le problème quand on se limite aux perceptions et aux sensations, c'est qu'on est susceptible de tomber dans le piège de l'ethnocentrisme. Il y a des mots, il y a des notions, des concepts qui sont piégeux, comme celui d'art, ou de religion, ou de culture. Concernant l'art, par exemple, on a l'impression que c'est une notion universelle, mais pas du tout. L'art, c'est une création occidentale qui remonte à l'Antiquité. Quand on va demander à un chasseur-cueilleur s'il se considère comme un artiste, il y a de bonnes chances qu'il ne comprenne pas la question, parce que l'art des chasseurs-cueilleurs est rarement un art gratuit, c'est toujours un art utilitaire. Donc dans nos yeux à nous, ces gens-là sont des artistes, il n'y a aucun doute à ce sujet. Dans leurs yeux à eux, par contre, c'est autre chose. Alors c'est difficile de parler des grottes préhistoriques sans s'y rendre. Je vous propose pour le reportage du jour de prendre une lampe torche et puis de rejoindre une de ces grottes, celle d'Arcy-sur-Cure, où j'ai le plaisir de me rendre et de rencontrer Nadine Bonfanti, qui est guide dans cette grotte d'Arcy-sur-Cure. Elle m'a montré les peintures qui s'y trouvent et qui datent d'environ 28 000 ans. Alors en fait, les fouilles dans cette grotte ont démarré il y a plusieurs siècles, on va dire. Mais on a redémarré vraiment l'objectif préhistorique quand les peintures ont été découvertes en 1990. Elles ont été découvertes par hasard par M. Pierre Guilloré, qui à l'époque était archéologue aussi pour le CNRS. Il a fallu attendre 2 ans quand même qu'on atteste vraiment l'authenticité des peintures. Attention à la tête, là, dans le passage. Il est probable que le cheminement que nous faisons, mais de manière... très agréable parce que c'est cimenté, parce que c'est éclairé. C'est probablement le cheminement que les paléolithiques ont fait. Alors c'est vrai que nous, on va faire à peu près 480 mètres pour atteindre la zone à orner. Il faut savoir que toutes les traces de vie se situent plein sud, le long de la rivière. Il est probable qu'à l'époque, il y avait une ouverture sous l'escalier qu'on utilise aujourd'hui qui permettait aux hommes, et parfois sans doute aux femmes aussi, ou quelques enfants, puisqu'on a des traces de mains négatives d'enfants dans cette grotte, d'aller jusqu'au fond. Mais il est aussi probable qu'il soit rentré par l'autre côté du massif. La zone était probablement ouverte, puisqu'on a des squelettes d'ours des cavernes, des vestiges de faune. Ça aurait fait à peu près 60 mètres. Ils étaient déjà dans l'obscurité. Alors vous évoquiez à l'instant le fait que potentiellement on empruntait à peu près le même chemin que les préhistoriques. Est-ce qu'on a une estimation de la date, de la période à laquelle cette grotte a été fréquentée? Alors les datations indirectes de cette grotte évoluent entre moins 26 et moins 30 000 ans, environ avant notre ère. Ça c'est lié aux peintures de la grande grotte. Par contre le bord de Cure, on sait qu'il a été fréquenté par les paléolithiques, depuis le paléolithique moyen. On a des vestiges d'hommes de Néandertal, dans la grotte du Bison notamment, dont il y aura encore probablement une campagne de fouilles cette année. Ce que j'aime beaucoup dans les grottes aussi, c'est que progressivement le silence devient de plus en plus intense. C'est ça, et on entend le bruit de l'eau, voilà. Vous voyez, on entend les gouttes tomber à droite à gauche. Nous, dans cette grotte, le fond de grotte où il y a les peintures, où il y a le bestiaire, le sol est remonté. Donc il est évident que l'acoustique a changé. Mais c'est très intéressant à plusieurs niveaux. Déjà aussi, nous, on se dirige toujours avec nos yeux parce qu'on a l'électricité, parce que c'est facile d'accès. On éteint l'électricité et puis on redescend avec une lampe à graisse. Là, ça va être différent. Ce ne seront pas nos yeux qui nous guideront, ça sera nos mains et nos oreilles. Il est plus que probable qu'il se soit fait aussi un fil conducteur acoustique de la cavité. Les stalactites sont creuses. Donc, suivant les endroits, si elles sont plus longues, plus larges, plus fines, le son est différent. Donc, on va avoir une carte auditive aussi des lieux, qu'on va rehausser, effectivement, avec des signes. Nous, on n'aura pas ça. C'est pas une question de culture, de période. C'est qu'il faut pas oublier que la grotte a été aussi endommagé par le nettoyage qui a eu lieu dans les années 70, pour la débarrasser des graffitis, de la fumée. Donc il est probable que tous ces signes qui étaient avant-coureurs, dirons-nous, qui indiquaient le bestiaire, eux n'ont pas résisté. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, regardez, si j'éclaire un petit peu la paroi, voyez là, cette espèce de couleur un peu marron, c'est cette boue, c'est normal, ce sont les argiles de décalcification, avec l'humidité, le CO2 qui se fixe sur les parois. Puis d'un seul coup, regardez à côté, la roche est blanche, c'est magnifique. Ben non, c'est pas beau, parce qu'en fait, on voit les dégâts de l'acide chlorhydrique, du karcher. Alors, vous faites attention à votre tête, il y a un petit passage par là. Tiens, juste pour que vous ayez une idée du travail qu'a réalisé M. Oudal de Guillamé, vous voyez là, on n'avait que cette partie visible à l'époque, vous voyez, un peu jaunâtre. Ça, c'était considéré en fait comme un anthropomorphe, vous voyez, on a la tête, le corps et les jambes. Et en fait, M. Guillamé, avec l'équipe de Mme Dominique Baffier et Michel Girard, voulait savoir exactement jusqu'où l'ocre avait été appliquée. Et on voit bien le travail d'abrasion hein, de la fraise sur la calcite. Vous avez le premier dépôt qui est épais, qui continue à se développer, puis derrière, vous en avez un très fin jaunâtre, transparent. Et progressivement, avec la fraise, il est venu agrandir l'espace, et on s'aperçoit que c'est toute la colonne de passage qui est finalement ornée. Regardez jusqu'où ça va. C'est très beau ce travail avec ces petites fenêtres, en fait, hein, pour visualiser la zone qui était ocrée. Là, pour le coup, on a affaire au travail de fouille et de restauration récent, et c'est vraiment comme si on avait pelé la roche et à des endroits très précis pour constater finalement la présence de ces pigments et de cette peinture. Voilà, c'est vrai. Alors, vous pouvez avoir un travail qui est lié juste au visuel, parce que là, c'est vrai qu'on avait en surface des ocres qui étaient visibles, hein, mais vous avez aussi tout le travail qui est fait aux infrarouges au préalable pour situer les zones où il y a les peintures. L'horizon se dégage progressivement. Et, oui. Et vous allez arriver dans la zone ornée, dans la zone de sanctuaire. En fait, on y est déjà, mine de rien, parce qu'il y avait des peintures ici, mais elles n'ont pas résisté au nettoyage. Mais on va s'arrêter plus loin devant un beau mammouth qui a été dégagé. Donc là, on a un premier rhinocéros, mais qui est un petit peu endommagé, mais qu'on devine quand même, hein, vous voyez. Là, on a un premier aperçu du style des dessins et des peintures dans cette grotte. Et là, on arrive face au fameux mammouth. Voilà, le premier beau mammouth. Attention à la petite marche. Regardez. Vous voyez, alors, on voit bien déjà le travail d'amincissement de la calcite hein, qui a permis de dégager le corps, hein, le dessin, le tracé, hein, la peinture. Vous avez la défense ici du mammouth à droite. On va remonter sur la ligne de front, la bosse crânienne, la ligne de dos, vous voyez la queue. Et il y a un élément qui est très émouvant aussi. Vous voyez, vous avez un tracé qui descend juste derrière la draperie. Voilà, on a une reprise là. Hein, on a eu un premier jet, puisqu'on a eu une esquisse hein, qui a été faite en 4-5 coups de pinceau, puis après on va retravailler au fur et à mesure. Donc là, on voit le repenti finalement. Donc on a un tracé très net pour la patte arrière. On reprend l'intérieur de la patte arrière, le ventre, la patte avant. On lève le pinceau et on retermine jusqu'à la trompe. Vous avez un animal qui est en mouvement. Ce que vous avez face à vous, c'est narratif en fait. Nous, en fait, quand on regarde les peintures, c'est un peu comme si on était face à un iceberg. On n'est qu'à un tiers de ce qu'elle représente vraiment. Vous ne voyez que le tracé. Ni le relief, ni le mouvement sont apparents pour nous. Et puis en plus, il y a la barrière de compréhension culturelle, de croyance et autres. On peut que les admirer, on peut se dire waouh, ils sont développés des techniques incroyables pour pouvoir justement créer des corps, même si c'est très stylisé, très épuré, c'est quand même au niveau de la technique quelque chose de parfait. Vous vous rendez compte le rendu que ça a? Je vous emmène voir d'autres. Oui, bien allez, sûr. Attention à la petite chaîne. Ouais, la petite chaîne. Alors là, on va s'intéresser déjà à ce qu'il y a sur la voûte. Vous avez une magnifique tête de félin. Regardez comme voilà. Elle est belle. Regardez. Vous avez l'œil en amande ici. Vous avez l'oreille, le museau. Voyez, avec ici la gueule légèrement entrouverte et le cou. Il n'y a eu que la tête, en fait, de peinte. Et juste à côté, vous avez un mammouth. C'est étonnant parce qu'il y a une forme d'unité aussi dans ce qui est représenté. Il y a énormément de mammouths, oui. Là où dans d'autres grottes, il y aura plus de chevaux, plus de bisons. Alors comment on l'explique? Est-ce qu'il y a des explications alors, solides? Non, enfin, le thème choisi ici à Arcis-sur-Cure, est-ce que c'était un animal totem, emblématique ou autre? Il y a la période aussi, hein, on est dans une période qui est assez froide. L'animal, effectivement, était très présent dans l'environnement de ces personnes. Mais est-ce que, il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que réellement c'est le reflet de ce que représentait le bestiaire avant la destruction? Ou est-ce que les autres panneaux représentant les autres animaux, parce qu'on a quand même des rhinocéros laineux, on a des ours des cavernes, n'ont pas été détruits eux? Ce qui fait que finalement, on n'a pas une vision globale, mais on n'a qu'une vision partielle de ce que pouvait être le bestiaire à l'époque. Allez, on va aller voir les mains négatives. Bonjour, bonne visite. Là, ouais. Vous venez de pointer la lumière sur la paroi et apparaît une main négative. Oui, c'est une main négative d'enfant. Il avait entre 8 et 10 ans, il ou elle. Hein. Elle est très belle, vous voyez, elle a été dégagée en fait par M. Guillamet. Elle était sous calcite avant, on ne la voyait pas. Et on voit nettement la paume, le poignet, les doigts bien écartés, elle est sublime. Et vous voyez la calcite qui s'est vite déposée finalement sur le pigment, l'a préservée. On a une couleur qui est très puissante, hein, qui ressort, ça fait un contraste incroyable. Hein. Et juste au-dessus, vous voyez, on devine à travers la calcite qu'il y a encore d'autres représentations graphiques. Là, vous voyez, au même niveau que la première petite main qu'on vient de voir, cette petite trace, c'est aussi une main négative d'enfant. Et on en devine une autre. Vous voyez, ça fait comme un petit halo, là. Vous voyez, encore une main droite. Par contre, au-dessus, on a une main négative d'adulte. Vous voyez, c'est une main gauche. Donc là, au pied de ces mains négatives, c'est là où les scientifiques avaient trouvé un bout de métatarse, des fistuleuses qui avaient sans doute servi à projeter. On peut faire les mains négatives en direct, hein, on n'a pas besoin de chalumeau aussi. La zone de cuisson des ocres était là, il y avait des lampes à graisse fixes aussi au sol. Ils s'étaient sans doute probablement adossés à cette petite colonne. Là, on était au pied de ce panneau des mains, il y avait l'atelier. Et vous, du coup, comment, à force de venir... Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous vous dites et personnellement, voilà, qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes là? Ça me touche toujours énormément, même 20 ans après. On a une vision qui change, mais on reste toujours ému comme au premier jour. Parce que si, peu importe, on n'aura jamais les réponses, mais de se dire qu'on va défier finalement les dangers, l'obscurité, qu'on va maîtriser un art, qu'on mettra... à disposition d'autres choses, de spirituelles ou autres, et de se dire que ça a été créé par ce qui nous lie dans le passé il y a plus de 28 000 ans ou 14 ou 20 000 ans, c'est extraordinaire. Et faire des choses comme ça, je dirais, c'est un don. Ça démontre l'essence même de l'être humain, quelque part. Et c'est sublime. Moi, je suis très heureuse, en fait, que même vous, quand je vous vois là, dans vos yeux et même dans la manière dont vous vous positionnez, votre corps parle. On voit bien que vous êtes ému, que vous êtes face à ça et que c'est le plus important. Voilà pour ce reportage dans la grotte d'Arcy-sur-Cure. Alors, une rapide réaction, Gwenrigal, à ce que vous venez d'entendre. Oui, c'est vrai que c'est toujours très émouvant, mais en même temps, l'émotion, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a renoncé à comprendre. Alors c'est magnifique, hein. On pourra rester ébobie devant ses œuvres jusqu'à la fin des temps, mais on n'avancera jamais dans la compréhension intime de ce que ça veut dire. Valérie Ferruglio. Oui, peut-être un mot sur la frustration. Là, on a entendu que cette grotte est visitée par le grand public et il y en a d'autres. Mais souvent, on entend dire « Ah, ces grottes sont fermées, c'est que pour les spécialistes, vous exagérez. » Mais on n'a pas répondu tout à l'heure, mais il me posait la question sur la fragilité de ces organismes vivants. Mais voilà, dès qu'on ouvre une grotte, bon, on la découvre, on peut l'étudier. Et l'étude fait beaucoup sur la conservation aussi. Le fait de l'étudier, ça fait partie de la conservation. On donne au monde à voir ce qu'il y a dedans et à comprendre. Mais dès l'instant où on l'ouvre, on change l'atmosphère, on fait entrer de l'air chaud, on dessèche, etc. C'est fragile et ça peut disparaître à jamais. Donc la chance qu'on a que ça ait passé autant de millénaires, on a une très très lourde charge pour le transmettre aux générations futures. Je voudrais donner le mot de la fin à John Berger qui, en 2002, dans Le Monde Diplomatique, racontait sa visite de la grotte Chauvet, l'originale, et il disait « Peut-être nous faut-il nous contenter de l'intuition qu'ils venaient ici pour vivre et remporter avec eux le souvenir des moments privilégiés d'équilibre parfait entre danger et survie, entre effroi et sentiment d'être protégé. Que peut-on, en tout temps, espérer de plus ?» Voilà, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup à vous deux, Gwenrigal, Valérie Ferruglio, de m'avoir accompagné pendant cette émission autour des peintures pariétales qui sont un sujet interminable, émouvant, passionnant. On l'aura compris, en tout cas, ces œuvres, elles gardent le silence, elles sont jamais muettes, elles continuent de nous émouvoir, ce qui est énormément, beaucoup. Merci à vous, pardon, je suis très ému. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Tom Humdenstock, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Pierrick Monsignon. Merci également aux équipes de France Bleu Occitanie à Toulouse qui nous ont permis d'être en duplex avec Valérie Ferruglio aujourd'hui. Demain, vendredi, nous retrouverons Cécile Lestienne, Olivier Lascar et Elodie Chabrol pour la table ronde actualité dans la méthode scientifique.